J'suis toujours avec mes aptasar pour faire la monnaie. J'sors de la merde et j'prends l'argent que Dieu m'a donné. J'sais que t'as le mec, tu me guettes, même t'es abonné. J'suis arbi de luxe, déguste en ma table que des gros bonnets. Parle-moi, zay, yeah, yeah, yeah, yo. Et si tu nous veux, tu payes, yeah, yeah, yeah, yo. On prend ta place, on prend ta go, oh, oh, oh, oh. Elle a kiffé le flow, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, en bikini, et pas de limite. Elle est pas timide quand ça parle en liquide. Elle veut un truc le plus grand narco dans le club. Tous négocient, la vie ne vaut même plus timide. Où elle est, elle veut du bif. Où elle est, elle veut l'amour. Où elle est, elle veut l'amour. Où elle est, elle veut l'amour. Où elle est, où elle est, où elle est. Elle veut du bif, elle veut du bif, elle veut du bif. Où elle est, où elle est, où elle est. Il faut du bif, il faut du bif, il faut du bif. On est en train de faire un braquage, hein? C'est sa foi, c'est 10 ans de placard! Tu veux que je te salope? Elle veut un gringo loco qui fait tourner la coca. Paris à Napoli, de Madrid à Mallorca. C'est son lifestyle, elle aime l'or et le violet. Pas les couilles de ton huc, nous on n'est pas des affolés. On mange pas les miettes, ma mignonne, mais jamais rassasiée. Donc faut nous payer. On casse les codes et la démarche, tout en montant les marches. Armé comme French Montana, j'ai mis Gucci et Versace. Versace, pas de main. Chica veut un truc qui fait. Mignon, oh, oh, oh, oh. Combien tu pèses en millions, oh, oh.